Bonjour, juste un peu. Bon, merci. Thank you. Comment tu mets de la disto? Comment ça de la disto? Qu'est-ce que c'est?